un slip, un sac, une caisse qui grince. Y'a du bruit, y'a du style, y'a même des palmiers qui dansent. Le soleil tape, la base est prête. Un cri lointain, c'est qui pète. J'suis en tongs, j'monte la colline, un semi bloqué sur des mines. J'pose mon sac dans un buisson, ride des skins en mission. Version cartoon, j'ai crafté 8 C4 sans recette avec du jus de cactus et une fourchette. Le plan, y'en a pas, c'est freestyle, mais j'porte un casque rose. Ça fait le style. Slip moulant et sac de C4. Ride en tongue, guerre de bar. Même sans shoot, on reste des stars. Avec un cri de guerre qui fait ah. Slip moulant et sac de C4. Ça pue la sueur, mais c'est bizarre. On court, on crie, on rit trop fort. Rider skill transforme ta base en décor. Je crois qu'il nous a vu, tire. Non, c'est une vache, calme-toi, respire. Un ours arrive, je lui donne du pain. Il meurt pas, mais je le nomme copain. On fait du RP en plein feu. Je décore ta base avec des pneus. Pendant que t'es off, je fais un sketch. Ton lit devient un totem, ouais. Slip moulant et sac de C4. Et t'es nucléaire, ambiance rare. Y'a du feu, y'a des bouses, y'a du loot. Mais surtout, Rider Skill met les croûtes. Rider Skill. Rider skill. Rider skill. Rider skill. Et là, t'entends un bip, tu sais que c'est fini. Tu regardes ton écran et tu pleures ton sleeping bag. T'as l'ose hier, t'as des coquelines, mais moi je suis là planqué dans le bin. Je bouge pas, je mange mes chips et je te démonte avec mes clips. J'ai loot ta cuisine et ta réserve, j'ai laissé une lettre, ton stuff nerve. Une signature en bas de page, Rider skill, ambassadeur du carnage. Slip moulant et sac de C4. Laisse tomber, t'as plus d'espoir. Fais un feu sur la guitare, on t'offre un show. Rider skill. Slip moulant et sac de C4. Fête sauvage sous les regards. Plus c'est absurde, plus ça cartonne. Reslété, c'est funky, pardon. Mais si t'entends, clique sous tes pieds. C'est que la fête vient de commencer.